Donc bonjour à tous et à tous, vous êtes sur les micros de la rage au 99.1 ainsi que sur radio.la-rage.fr. À force de le répéter, je commence à le connaître. Et aujourd'hui, je me retrouve à Sorigny en compagnie de deux jeunes gens fort sympathiques. Bonjour à vous, qui vont se présenter. Donc je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous ? Qui es-tu ? Bah alors, moi je suis Olivier. Bonjour Olivier. Je travaille à Beaulieu-les-Loches dans une association qui s'appelle la Petite Fabrique de Cirque. Ouais. Vas-y, continue. Et puis voilà, donc je donne des ateliers dans cette association, on se déplace et on travaille avec les enfants. D'accord. Et on donne des ateliers de cirque dans différents cadres, mais l'idée c'est que je me déplace dans différents endroits avec mon matériel, dans un camion. Et seul je donne des ateliers. Ouais. T'es... Je suis tout seul sur mes journées, sur mes ateliers. D'accord. Je me déplace tout seul. Très bien. Et donc, la deuxième personne. Et donc, moi, c'est Marion. Bonjour, et, Marion. Bonjour. Et dans l'association, moi, j'interviens avec la deuxième... je suis la deuxième intervenante, Valérie. Ouais. Et je l'accompagne dans les écoles. Ma mission... En fait, je suis en service civique. Et ma mission principale, c'est de promouvoir les arts du cirque en milieu scolaire. D'accord. Et donc, j'ai un peu plusieurs volets. Parce que d'un côté, j'interviens directement dans les classes avec l'institutrice. Ouais. Et on travaille autour de l'art visuel. Mmh. Donc là, j'ai fait ça avec deux classes dans l'école de Sorigny. Ouais. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, sur le reste de la semaine, j'accompagne Valérie dans ses ateliers. Mmh. Donc là, en itinérance avec le camion. On est généralement accueillis dans des gymnases ou salles des fêtes. Ouais. Et ma troisième mission, c'est d'accompagner l'association durant des événements culturels qu'on organise à chaque saison en fait, de l'année. Et donc là, on a fait une soirée soupe le 27 février. Une soirée soupe ? Oui, où c'est... on a fait venir deux compagnies qui venaient de Lille, compagnies de cirque, et qui nous ont fait deux spectacles. Et, on a été accueillis dans une salle des fêtes à Chédigny. D'accord. Donc voilà, moi, ma mission principale. D'accord, donc vous travaillez quand même tous les deux, vous êtes en contact tous les deux dans votre travail, vous travaillez ensemble, vous êtes c'est tous les trois, donc il y a trois personnes alors, si j'ai bien compris. Trois personnes à l'association. Ouais. Mais moi, je suis surtout Valérie. Après, nous, on se croise en temps de bureau avec Olivier. D'accord. Ouais, du coup, parce qu'avec Valérie, on se partage tous les ateliers. Elle en fait, et moi aussi. Mm-hmm. Moi, je fais exclusivement des ateliers. Et Valérie, elle fait des ateliers et de l'administratif. Et Marion accompagne Valérie sur l'emploi du temps. Ouais, d'accord. Moi, sur mon emploi du temps, c'est vrai que sur toute ma semaine, mais j'évolue tout seul. Mais Marion, elle est présente dans des moments où il faut faire du bureau. Quand on dit du bureau, ça veut dire qu'il faut qu'on organise les spectacles, des papiers à faire, organiser nos cours, parce qu'on communique beaucoup. Quoi. Mm-hmm. Et du coup, on se passe pas mal de messages. Donc ça, c'est assez chouette. Ouais, forcément. Donc on bosse en équipe, mais sur les ateliers, t'es tout seul à gérer ça. Donc là... On est bien, on en discutait un petit peu en off, on a bien compris qu'on est en face de deux entités donc séparées et différentes. On a le cirque et vous, alors, qui travaillez ensemble là pour le coup, mais c'est pas deux associations ou vous n'êtes pas tout le temps à bosser ensemble. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre ? Quel est toi Quand tu dis le cirque, tu penses à la compagnie qui a le chapiteau, c'est ouais, ça ? Ouais, c'est voilà, ça. Ok. Parce que du coup, alors, ouais, cette compagnie. Comment elle intervient dans notre présence. C'est ça, ouais, voilà. Alors, je pense qu'avant d'arriver à la compagnie, il faut d'abord parler de l'école. En fait, la petite fabrique de cirque, elle vend des prestations. Ouais. Elle vend différents types de prestations. Soit on donne des cours à notre nom, hors cadre scolaire. Donc, c'est quelque chose qui est un peu comme l'école de cirque, la petite fabrique. Quoi. On donne des ateliers. À la fin, il y a des représentations. Ouais. Et ça, c'est un premier volet. Et un deuxième volet, c'est on fait aussi des prestations dans les écoles pour les scolaires. Mmh. Donc, sur les maternelles et les élémentaires, les primaires, on mène des projets dans le cadre des cours. C'est les projets d'école, on est avec les instituts dans leur classe, sur des temps. Et on aboutit à la fin à un spectacle. Et c'est les écoles qui vous démarchent pour ce genre de choses ou c'est vous qui allez démarcher les écoles ? Comment ça se passe en général ? Bah, en général, en fait, dans le territoire, nous, on envoie plus ou moins des espèces de fly qui disent ce qu'on fait, toutes les différents types d'activités que l'association est là. Et du coup, l'école, généralement, des fois, c'est eux qui viennent nous voir, en nous disant bah, « l'année prochaine, on fait un projet cirque, on aimerait bien le faire avec vous ». Et des fois, c'est nous, qui on a été les premiers. D'accord, c'est ça. Très bien. Voilà. Et donc, là, on est dans ce cas-là. Voilà. Que c'est l'école de Sorigny, elle a fait appel à nous. Ouais. On s'est retrouvés en phase 2, à une réunion, parce qu'elle voulait faire un projet cirque dans leur école, et nous, on propose ce genre de prestations. Mm-hmm. Donc, du coup, on a mis ça en place, et avec Valérie, on s'est réparti toutes les classes de l'école, ouais. du CP au CM2. D'accord. Donc, ça correspond à 8 classes. Mm-hmm. Donc, sur la totalité du projet de décembre à mars, là, donc cette semaine, fin mars, ouais. début avril, eh bien, on s'est partagé les classes, donc on les a à peu près toutes chacun. Et en termes d'heures, ça représente quoi à peu près? Ça représente 15 séances. 15 séances par classe. D'accord, de 1 heure. Donc une heure et demie. Mmh. 1 heure et demie, d'accord. Et les jeunes, la réception au niveau des enfants, ça se passe comment? Eux, ils sont plutôt contents en général? Il y en a qui sont réticents? Ou c'est comment? On est passé sur une autre question, tu sais, on n'a pas répondu. À... Ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que on dérive. Le chapitre est là. Oui. Et du coup, le chapiteau est là parce que il nous a paru intéressant plus qu'intéressant, c'est une magie en fait. C'est une magie de pouvoir apporter un chapiteau à des enfants, ouais. et de pouvoir évoluer avec des artistes. Donc là, on en a un juste derrière nous. Ouais. Qui est en train de se servir un café. Voilà. C'est magique. Il y a plein d'aspects qui sont effectivement plus envoûtants que faire un spectacle dans une gymnase ou quelque Bien chose sûr. Comme ça. Mm-hmm. Le chapiteau amène quelque chose vraiment représentatif du cirque, de ce que ouais. d'une atmosphère et qui est dégagée par cette toile, cet habitat itinérant, par le rond. Mm-hmm. Et le fait de jouer au milieu sur une piste avec des gradins tout autour, une toile, des lumières, c'est vraiment, je pense, un moment qui peut être très fort pour ouais, les enfants. Bien sûr. Et pour nous, enfin, je peux voir, moi, de mon point de vue, comment ça a été fort. Et bien, c'est vrai que c'est magique de pouvoir faire vivre ce genre d'expérience aux mmh. enfants. Quoi. Et voilà. Et donc justement, alors un accueil plutôt bon en général des enfants qui apprécient faire ça, qui vont pas reculons, ça leur plaît. C'est pas quelque chose, c'est pas une corvée de venir faire ça quand même. J'imagine que quand tu as entre 6 et 11 ans et qu'au lieu d'aller faire un cours de maths, on te propose d'aller grimper sur la file, faire de la boule, du jonglage. Et tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même cette richesse dans le cirque qui permet que ça peut séduire quand même beaucoup d'enfants. Ouais. Parce qu'il y a vraiment différents aspects, différents volets dans la pratique et dans ce qu'on propose qui permettent je pense à beaucoup d'enfants de s'identifier. Évidemment, tout le monde n'arrive pas forcément du premier coup à rentrer dedans. Ouais, c'est évident, normal. Ça peut pas... Je peux pas dire tout le monde, mais mon constat, c'est que globalement, c'est assez chouette, ouais. c'est assez agréable. Je pense qu'on peut dire que ça s'est bien passé et que c'était chouette, là, les spectacles d'enfants. Qui se sont déroulés, c'était la semaine dernière. On est parti avec le sourire, on s'était au revoir. Ouais. Avec les larmes, presque. Il y en a eu chez les enfants. Ouais, ouais c'est vrai. Oh. Et donc, ça se déroule sur plusieurs mois, là, c'était de décembre à mars. Il y a une quinzaine de séances. Comment sont préparées? Qui décide de la programmation, de ce qui va se faire? Comment la trame se fait en fait? Est-ce que vous venez avec des idées, vous les proposez aux jeunes et vous dites bon, bah, on va faire un spectacle, on va faire ça, et puis vous les formez pour faire ce spectacle? C'est eux qui viennent avec leur idée? C'est comment ça se passe? Alors pour le spectacle, en fait, il y a beaucoup. Ça représente 150 enfants, c'est ça? Mmh. 150 enfants, donc du coup, sur une période de 4 mois, c'est vrai que c'est beaucoup d'enfants. Ouais. Et en termes de, si on veut pouvoir créer quelque chose avec eux, qu'ils créent vraiment l'intégralité de la trame du spectacle ou mm-hmm. de tout ça, c'est vrai que ça paraît compliqué en 15 ouais, séances. Voilà. Bien sûr. Donc on est sur quelque chose où on leur propose un thème, on s'appuie sur de la littérature jeunesse. Et, ouais. et du coup, ça nous permet de pouvoir... travailler sur différents aspects qui nous intéressent en termes de pratique, parce qu'on introduit des émotions, on introduit mm-hmm. du travail sur certains personnages. Mais ouais. Et voilà. Mais en 4 mois, disons que la finalité du projet, c'est pensé généralement par les institutrices, instituteurs, sous forme de spectacle, en fait, la finalité vraiment. Ouais. Et du coup, l'association, elle est plus ou moins orientée à faire un spectacle mmh. de fin d'année, parce que faut qu'on montre ce qu'on a fait, faut qu'on montre les enfants, faut qu'on voit et qu'il y ait... c'est vraiment sur la notion de spectacle. Donc peut-être que la petite fabrique, nous, on déciderait que peut-être qu'on ne ferait pas de spectacle et qu'on essaierait juste de travailler pendant 4 mois avec ces enfants-là. Ouais. Mais sachant qu'avec 15 séances de 1 heure à 1 heure et demie, on les voit une fois par semaine, c'est de la notion de plaisir. Et nous, c'est ce qu'on défend. Je crois qu'on crée, on n'a pas la volonté de créer des artistes. Ouais. On a la, enfin, il faut, il y a une grosse phase de découverte, d'expérimentation sur les agrès, quoi. Mmh. Et on y va petit à petit. Et c'est riche aussi d'avoir deux façons de faire, deux intervenants. Et ouais. Moi, j'amène aussi un peu ma patte. Ça dépend comment on prend l'objet, quoi. Mmh, comment on bien le sûr. Voit. Mmh. Et, voilà. Et donc, votre, la manière dont vous travaillez donc avec les écoles, avec les enseignants, comment ça se passe un petit peu? C'est l'enseignant, quel est son rôle, en fait? Il est juste là pour encadrer, alors, quand vous êtes là avec les jeunes, ou il va aussi avoir sa part dans le spectacle, ou quelle sera son implication, simplement, l'enseignant? Alors, c'est une question qui est intéressante, ouais. Là, on évolue, en fait, moi, je dirais qu'on évolue en parallèle, parce qu'on n'a pas le même rôle dans ce projet-là. C'est clair que il peut y avoir des moments où ça se croise, parce que quand on est sur le spectacle, quand on est sur le moment du déroulé, ouais. Les maîtresses, elles sont avec nous, elles sont dans les coulisses, elles sont avec nous pour faire pour que tout se passe bien derrière, ouais, et tout, ouais, ça, ouais. Et elles font un travail qui est énorme sur l'accompagnement autour de séances, en fait, où ouais. le cirque prend plus de place qu'une heure par semaine, quoi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est assez conséquent, et elles l'ont vraiment pris à cœur à se réunir, ouais. Et du coup, il y a eu un échange assez intéressant, et les enfants, ils ont pu être dans de bonnes conditions, parce que les maîtresses, elles ont pu nous accompagner. C'est ça, bien sûr. Ouais. Et leur rôle, je dirais que c'était... enfin, voilà, c'est ça ce que je viens de dire. Pendant, j'essaie de remémorer les ateliers où moi, je propose un atelier sur telle ou telle thématique, et j'évolue dans les différentes choses que je propose. Ouais, bien sûr. Et je vais vers elles, et je leur explique qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider les enfants. Et voilà, et ça se passe super bien. Mmh. Après, elle s'occupe aussi de toute la logistique. Ouais. Ça, c'est plutôt avec Valérie. Mmh. Sur toute la logistique aussi technique. Elles organisent cet événement. Donc, du coup, elles ont des comment, je sais pas comment dire ça. Elles doivent... En plus, on a le café derrière qui hurle. Non, non, c'est bon. C'est non, bon. Mais ça représente du temps. Ça représente du temps pour des incites de faire venir un chapiteau, tout ouais. ça. Et des fois, ça peut être compliqué de passer autant de temps parce que ils ont il voilà, y a le travail à côté, il y a aussi voilà, tout les bien sûr. Et du coup, c'est quelque chose de conséquent de faire venir un chapiteau c'est vraiment un projet qui est génial, magnifique, mm-hmm. et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que ça a paru beaucoup de travail pour les incites à un moment. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien au moins qu'ils soient là et que malgré tout, malgré ce travail en plus, ils aient l'envie et ils suivent, ils accompagnent. Ça fait plaisir à voir. C'est bien d'avoir du soutien, tu vois, que tu sois pas. C'est vrai que c'est pas le cas partout dans les écoles. C'est vrai que c'est malheureusement ce genre de projet, c'est souvent inaccessible en termes ouais. financiers pour les écoles, parce que mm-hmm. au niveau de l'éducation nationale, c'est pas forcément le genre de choses qui. Oui, oui, oui. qui peut sortir le plus souvent. Et c'est vrai qu'il y a plus d'écoles qui ont pas de projet plutôt que des écoles qui en ont. Donc oui. c'est vrai que c'est une opportunité qui est vraiment belle à saisir. Et mm-hmm. on se fait un plaisir de partager ça parce que c'est quand même magique. Ouais. Mmh. Mmh, très bien. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Je crois qu'à un moment, tu as dit est-ce que c'est les profs, est-ce que c'est les jeunes qui décident de la séance, ou est-ce que c'est nous qui arrivons et qui disons aujourd'hui, je vous propose ça. Ouais. Et la programmation coup, des. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en 4 mois, on a, je crois qu'à du coup, à hauteur de une heure avec les jeunes, on n'a pas le temps, en fait, mm-hmm. de leur demander. Qu'est-ce que vous voulez faire pas qu'est-ce que vous voulez faire sur le moment, en fait. Mm-hmm. Bon, là, j'arrive, je vous propose ça. Et peut-être à terme, plutôt avec les ateliers de la petite fabrique, mais pas avec l'école. Oui. Là, on peut leur dire, comment est-ce que vous voyez les mois qui vont venir est-ce que vous préférez travailler cette séance-là sur tout le jonglage, et puis après, on fait un peu d'équilibre sur objet, ouais. ou est-ce que... Mais avec les écoles, en tout cas, avec Valérie, nous, on ne peut pas, en fait. Mm-hmm. Nos séances, elles sont calées. Bien sûr. On se dit, là, il reste 6 séances pour faire le spectacle, pour qu'au moins, la découverte, elle est passée. Ils ont testé un peu chaque élément, et du coup, ils choisissent, mm-hmm. et puis ils se mettent à plusieurs pour construire un numéro. Et puis nous, on les accompagne à ce moment-là. Ouais. On les dirige à aucun moment. On va leur dire Sacha, tu vas faire ci. Oui, et puis, c'est eux quand même qui ont leur propre choix dedans, oui. malgré tout. Oui, oui. On n'impose rien. Oui, voilà. Ouais, y a pas, on va pas forcer ou obliger à faire ci ou ça. C'est eux quand même qui ont le choix, malgré tout. Bien sûr. Et donc là, c'était les spectacles ont eu lieu la semaine dernière, me semble-t-il, si je me trompe pas. Cette semaine-là, ouais. Cette semaine, ouais. On a eu trois spectacles, en fait, trois journées, trois soirées. Chaque journée, il y avait une répétition générale le matin et le soir un spectacle. Donc ça s'est passé mardi, jeudi et vendredi. Avec et l'ensemble des classes sont passées alors. Trois classes, oui c'est ça. Trois classes le mardi, deux classes le jeudi et deux classes le vendredi. Et tout s'est bien passé. Oui. Donc globalement oui. Il y a eu. On a eu de la pluie, beaucoup de pluie. Ah bon. Il y avait des chances. Ça a donné des compliments. Non, il y a eu. On était dans, ouais, dans une prairie sous chapiteau. C'est vrai que c'est pas un habitat qui est comme les autres. Mm-hmm. C'est pas forcément quand il pleut, bah il pleut quoi, même un peu à l'intérieur. Mais ça rajoute un petit côté authentique justement, encore une fois, par rapport au gymnase. Moi je trouve, ouais, je trouve. Ah. Après c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve que ouais, pas mal. C'est bien. Ouais. Bon bah très bien. Bah si vous avez peut-être encore quelque chose à dire, quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. Bah, en revenir un peu sur les pratiques de la petite fabrique de cirque, où on est, qui on est. Bien sûr. Là, c'est un volet à souligner avec cette école, mais nous c'est la petite fabrique de cirque, c'est aussi Valérie, alors elle est pas là maintenant, mais... La petite fabrique de Valérie, c'est vraiment elle qui a créé cet univers à Loche, dans le Lochois, à Beaulieu-les-Loches, le siège social il est. Ouais. C'est Valérie, donc là c'est la troisième année. La première année elle était toute seule, elle s'est installée et elle a commencé à donner des ateliers. Donc tout, comme je disais, tout le matériel dans un camion, elle se déplaçait pour aller donner des ateliers, à proposer cette activité hors cadre scolaire pour les enfants dans sur un territoire. Ouais. Et du coup elle intervenait dans différentes espaces, comme on disait tout à l'heure, des salles des fêtes, des gymnases, là où on peut sortir le matériel. Et voilà, donc ça a commencé la première année avec Valérie, qui ça représente quand même énormément de travail, et d'engagement, et c'est incroyable de ce qui se passe à cette petite fabrique, puisque l'année d'après, Valérie, elle tombe enceinte, et du coup, elle cherche à être remplacée pour finir son année. Et c'est là que moi, je débarque pour, à la base, rester 4 mois à finir son congé mat. Ouais. Et puis, donc j'ai mis les pieds dans ses souliers. Et j'ai fini son année. Donc voilà, j'ai débarqué là-dedans. Et ensuite, l'année d'après, il y a eu mon poste qui a ouvert. Et du coup, on a tourné à deux intervenants. Ouais. Elle est restée, elle est sortie de son congé maternité en octobre. Et du coup, on est intervenu à deux. À deux postes d'intervenants, donc un moitié du temps intervenant et moitié administratif. Pour Valérie, c'est la coordinatrice, c'est la petite fabrique, c'est Valérie avant tout. Et ensuite, je suis arrivé en tant qu'intervenant donc à partir de septembre, avant je la remplaçais. Et à partir de septembre, je suis intervenu et Marion nous a rejoint en janvier avec son service civique, dont elle vous a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et voilà, donc au total, maintenant on est trois. On est trois même depuis l'année dernière, parce que Marion, au début, elle faisait beaucoup de bénévolat. Elle était là sur les spectacles. L'année dernière, elle était là sur les spectacles, elle m'a accompagné. Vraiment, donc on évolue à trois tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tous les trois la même formation, mais à des années un peu d'écart. Ouais. Donc on a fait le DUT carrière sociale à Tours Nord, et Valérie l'a fait en 2002-2004. Donc elle fait son association après avoir fait une école de cirque au Québec. Et du coup, Olivier est de la promo au-dessus de moi, et puis moi, et donc, enfin, tous les trois, on vient de la même formation. Et du coup, ce qui nous amène à penser le statut d'animateur, notre posture, de façon un peu différente. Bien sûr. J'ai envie de dire qu'on apporte, il y a une pédagogie qui est pensée, réfléchie. Co-réfléchis, on se remet beaucoup en question, notre pratique, on échange avec en ce moment des circassiens, donc qui viennent, qui font du cirque, parce que nous on transmet cette pratique, mais on n'en pratique pas, on en pratique individuellement, mais on n'a pas le temps, on n'est pas des intermittents du spectacle, donc on ne se produit pas, en tout cas l'association pour le moment ne se produit pas. Ouais, et puis avec il y a aussi cette volonté de proposer avec le cirque des valeurs qui sont différentes et qui collent plus avec qui collent vraiment avec mes valeurs que j'ai pu apprendre ou me forger avec cette formation de travailleur social, où on a apporté des différentes manières, différents leviers qu'on peut actionner pour travailler avec les enfants. Et c'est vrai que le cirque, ça a été quelque chose qui a été vraiment très complet et vraiment génial, et ça je pense qu'on pourrait être plusieurs à témoigner de cette magie dans la pratique du cirque. Et j'avais une question là. Est-ce que vous avez, parce que vous êtes trois maintenant à bosser ensemble, Est-ce que vous comptez continuer en une personne de plus chaque année ou comment, c'est quoi les objectifs un petit peu? Comment vous le sentez, l'avenir du truc là? Alors, bah, l'avenir là. Oula. Comment tu te vois dans 5 ans? Ah, absolument pas, je sais pas. Là en fait, le contrat s'arrête en juin pour Marion et pour moi. On arrête en juin. Donc là, on finit l'année scolaire. Et après, nous, la petite fabrique, on la quitte entre guillemets. On se sépare pour un moment. D'accord. Voilà, parce qu'avec Marion, on va partir sur, je pense, d'autres projets, d'autres approches de cirque et mm-hmm. d'autres choses de vie. Plein d'autres choses, mais voilà, le temps, la petite fabrique, je pense qu'il est, il va se terminer en juin. D'accord. Mais c'est vraiment une volonté pour peut-être revenir. Ouais, rebondir avec autre chose, avec regards différents. Avec... Donc ça veut dire que la petite fabrique cherche un animateur cirque. Ah bah voilà. Vous avez bien compris. Passons une annonce. Non mais très bien. Bah, c'est cool, c'est plutôt sympa. Ouais. Si. Bah après, je pense que la chose qui te reste à faire maintenant, c'est de réussir à en attraper un, deux, là. Un, deux, là. Pour qu'ils te parlent un peu plus de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Bah, je vais essayer, là, il faut qu'ils servent leur café, ils hésitent, mais ils font sûrement le pas entendre en plus. Là, on va en choper un des deux, là, ça va être. Bon, bah, nickel. Bah, écoutez, je vous remercie. Même de rien. Et puis, merci à toi. Bah, merci. C'est un plaisir. Et puis, peut-être qu'on vous rechopera une autre fois, juste vous deux, pour nous parler de votre peut-être futur asso, peut-être. On sait pas. On verra. On verra. Allez, gros bisous, merci encore. Salut.